Chapitre 3e. Quelques semaines plus tard, on voyait débarquer au château de Fresnes une étrange personne. C'était la comtesse Jules de Bruce, sœur du comte Patrice. Elle habitait dans les environs de Cherbourg et près de la mer, un manoir sauvage où elle s'occupait d'agriculture et de bonnes œuvres. Elle n'en sortait jamais que dans les circonstances de familles extraordinaires. Son arrivée, disait-elle, équivalait à un sacrement. Elle était un signe assuré de mariage, de baptême ou de mort. La comtesse Jules, malgré cette appellation juvénile qu'on lui avait conservée à travers les âges, était septuagénaire. C'était une petite vieille aux allures délibérées, mise avec une extrême propreté, mais avec une simplicité monastique. Elle était veuve depuis près de 50 ans. Il était tout à fait impossible d'imaginer quel homme avait pu être dans son temps le comte Jules de Bruce. Elle n'en parlait jamais. Quand on s'étonnait qu'elle eût persisté dans un si long veuvage, « J'ai été mariée 5 mois, disait-elle, et cela a parfaitement suffi pour me faire reconnaître le néant de ce genre de distraction. » C'était tout ce qu'on savait du comte. Elle arriva de bonne heure dans la matinée la veille du jour fixé pour le mariage de sa petite nièce avec Lionel de Rias. Lionel, qui, depuis quelque temps, avait élu domicile au pavillon chez sa marraine, afin de pouvoir faire sa cour avec plus d'assiduité, était venu lui-même ce jour-là au château dès l'aurore. Il put donc être présenté immédiatement à la comtesse Jules, qui, après l'avoir regardé avec une fixité redoutable, lui dit d'une voix brusque « Monsieur, je suis votre servante. Vous êtes très jolie, vous me plaisez beaucoup. C'est très bien comme ça, la rirette, c'est très bien comme ça, la rira. » Après quoi, elle lui tourna le dos, se plongea dans un fauteuil, déroula un immense ouvrage de tricot et se mit résolument à la besogne. Cependant, Madame Fitzgerald était en proie à de cruelles perplexités, dont elle fit part confidentiellement à la comtesse Jules. « Ma bonne tante, lui dit-elle, vous êtes aimable d'être venue dès le matin. Votre présence me sauve d'un grand embarras. Nous attendons une 20aine de parents et d'amis dans l'après-midi. J'ai une quantité de préparatifs à faire, d'ordres à donner, et par-dessus le marché, mes deux amoureux à surveiller. C'est en perdant la tête, Dieu merci. Vous voilà pour me relever de garde. J'ai la plus absolue confiance dans la délicatesse de M. de Rias, mais enfin, il y a des convenances qu'il faut observer. Après la noce, tant qu'on voudra, mais jusque-là, il me paraîtrait souverainement déplacé que ma fille et mon futur gendre demeurassent en tête-à-tête l'ombre d'un instant. J'ai mis bon ordre jusqu'à présent, mais pour aujourd'hui, je vous les confie. Ne les perdez pas de vue une seule minute quand je serai forcé de m'absenter. Vous me le promettez, n'est-ce pas, ma bonne tante ?» Pendant cette invocation, un sourire caustique se jouait sur les traits flétris de la comtesse Jules. Elle annonça toutefois d'un style de tête fortement accentué qu'elle acceptait la mission dont elle était investie. L'occasion de faire honneur à cet engagement ne tarda pas à lui être offerte. Après le déjeuner, Madame Fitzgerald suivit son oncle pour se livrer avec lui aux soins hospitaliers qu'il réclamait. Mais elle ne quitta pas le salon sans avoir adressé à sa vieille tante un regard expressif et suppliant. La comtesse Jules s'était installée dans l'embrasure d'une fenêtre. Elle avait repris son ouvrage de tricot, et tout en travaillant avec ardeur, elle lançait par intervalles des regards sévères sur Mademoiselle Marie, qui déchiffrait une partition au piano, et sur Monsieur de Rias, qui lui tournait les pages d'un air fort mélancolique. Un rapide dialogue à demi-voix s'engagea entre les deux jeunes gens. « Monsieur, dit Mademoiselle Fitzgerald, sans s'interrompre en jetant ses paroles par-dessus l'épaule, « Mademoiselle, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez une physionomie de martyr. C'est que j'en suis un. Comment cela ? Vous voyez ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe ? Nous voilà maintenant sous la surveillance d'un dragon. Votre mère est vraiment inconcevable. Vous savez comme elle aime les convenances. Est-ce que vous n'aimez pas les convenances vous-même, monsieur ? J'aime les convenances, certainement, surtout quand elles me conviennent. Mais franchement, votre mère... Voyons, ne dites pas de mal de ma mère. Je l'adore, mais enfin, franchement. Elle pourrait se contenter de nous avoir gardés à vue pendant 2 mois, et nous laisser respirer au moins la dernière journée. Pas du tout, elle nous livre à ce Cerbère. N'est-ce pas qu'elle est amusante, ma tante ? Mais non, elle est fort loin d'être amusante. Prenez garde, elle n'est pas sourde. Je le regrette. Pourquoi ? Parce que... Naturellement, j'aurais mille choses à vous dire. Dites-les, je vais mettre la pédale. » Monsieur de Rias se penchait vers l'oreille de sa fiancée pour y glisser une des mille choses qu'il avait à lui dire, quand un regard plus fixe et plus austère de la comtesse Jules le paralysa soudain. En même temps, la vieille dame cessa de tricoter, planta son aiguille dans son bonnet et prit la parole. « Mes enfants, dit-elle, approchez. J'ai ouï dire aux personnes instruites, et ma courte expérience personnelle m'a confirmé à moi-même cette vérité, que dans le plus heureux mariage, ce qu'il y avait encore de meilleur, c'était la veille. Je trouve donc parfaitement absurde qu'on ne vous en laisse pas jouir en toute liberté. C'est pourquoi j'use des pleins pouvoirs que votre mère m'a délégués pour vous donner la clé des champs. Il fait un temps superbe. Allez vous promener. Voyons, mes enfants, allez vous promener. » Mademoiselle Marie devint extrêmement rouge. « Mais, ma tante, murmura-t-elle faiblement. » La vieille dame, sans répondre, la prit par la main et la poussa hors du salon par la porte-fenêtre, près de laquelle elle était assise, et qui s'ouvrait de plein pied sur le parc. Lionel la suivit aussitôt après avoir baisé au passage la main de cette fée bourrue mais bienfaisante. Une fois en plein air, les deux jeunes gens, pareils à des oiseaux longtemps captifs, dont on vient d'ouvrir brusquement la cage, parurent un peu étonnés de leur liberté nouvelle. Ils se regardaient en riant, tout embarrassés de leur bonne fortune, puis enfin, Mademoiselle Fitzgerald prit le bras que lui offrait Lionel. Comme ils se dirigeaient à pas lents vers la plus prochaine allée du parc, une fenêtre s'ouvrit derrière eux à l'étage supérieur du château. « Votre mère !» s'écria gaiement Lionel, « nous sommes perdus !» Et dominant la faible résistance de la jeune fille, il l'entraîna dans une course folle sous le couvert de l'allée. Ils arriveraient bientôt au premier carrefour du bois, où ils durent s'arrêter pour reprendre haleine. Mademoiselle Fitzgerald, se prêtant alors de bonne grâce à une aventure qui prenait si franchement un tour d'espièglerie, restait suspendue au bras de Lionel, et l'interrogeant d'une voix haletante avec de jolies mines effarouchées. « Vraiment, monsieur, croyez-vous qu'on nous ait vus ?»« Sans aucun doute on nous a vus, ma mère. » Il m'a bien semblé la reconnaître. Qu'est-ce que vous croyez qu'elle va faire? Elle va envoyer chercher la gendarmerie. Ils se mirent à rire comme deux amoureux qu'ils étaient, puis, tout à coup, « Écoutez, » dit la jeune fille, « je vous assure que j'entends marcher. » Monsieur de Rias prêta l'oreille. « Certainement, quelqu'un vient. Nous sommes poursuivis. Eh bien, mademoiselle, qu'en pensez-vous? Faut-il nous rendre? » « Déjà ? » dit-elle. Au même instant, un bruit de pas plus rapproché les fit détaler comme deux chevreuils, et ils se jetèrent à la hâte dans un sentier de chasse qui serpentait à travers le taillis voisin. Ils y marchèrent quelque temps d'une allure précipitée. Le jeune homme s'empressant d'écarter les branches et les broussailles qui embarrassaient le chemin, et se retournant par intervalles pour sourire à sa fiancée souriante. Soudain, elle le vit s'arrêter et avancer la tête dans le feuillage avec précaution. Il n'était plus qu'à quelques pas d'une des avenues du parc à laquelle le sentier venait d'aboutir. « Qu'y a-t-il, monsieur ? » dit timidement Mademoiselle Fitzgerald. « Voyez-vous quelque chose ?»« Chut, je vois votre oncle. On l'envoie probablement pour nous tenir compagnie. Il cherche à droite et à gauche. Il va passer. Vite, cachez-vous !» Il y avait près de là un groupe de deux ou trois vieux chênes couverts de lierre et dont les troncs étaient presque réunis. Lionel se dissimula derrière ces arbres, tandis que la jeune fille s'agenouillait brusquement sur la mousse qui en tapissait les racines. Ils demeurèrent ainsi quelques minutes en silence, lui, debout, un doigt sur ses lèvres, et la regardant, elle, toute palpitante, pelotonnée à ses pieds comme un enfant, et tendant vers lui son doux visage tout resplendissant de plaisir, de tendresse et d'innocence. Le comte Patrice, cependant, dépêché effectivement par Madame Fitzgerald avec l'injonction de mettre un terme à l'inconvenance de ce tête-à-tête, promenait vaguement ses regards autour de lui comme un homme qui accomplit un devoir dont il ne s'exagère pas l'importance. Il s'arrêta une dernière fois pour écouter, puis, prenant son parti, il fit de la tête et de la main un geste annonçant qu'il abandonnait la poursuite. L'instant d'après, il avait disparu. Lionel, s'étant assuré de cette heureuse circonstance, en informa Mademoiselle Fitzgerald, qui vint aussitôt le rejoindre dans l'avenue. « Et maintenant, monsieur, lui dit-elle, qu'est-ce que nous allons faire ? » Nous allons continuer de marcher devant nous, seuls sous le ciel bleu. Est-ce que ce n'est pas charmant ? Oui, c'est charmant, dit-elle. Je veux vous montrer les endroits que j'aime. Suivez-moi, monsieur. Ayez confiance. Je ne sais pas vraiment si je dois avoir confiance, dit Lionel. Je suis sûr que vous allez me perdre. Non, non, soyez tranquille. Il suivait déjà les pas de la gracieuse fille qui était entrée de nouveau dans les taillis et qui s'y dirigeait avec la souplesse d'une couleuvre. Elle avait des petites mules à talons hauts et à boucles d'argent qui semblaient peu faites pour une excursion en forêt et qui toutefois s'en tiraient à merveille. Lionel voyait avec un intérêt extraordinaire ces petites mules se poser et s'enlever sur le sol avec une fermeté élastique, méprisant les obstacles, franchissant les racines, se démêlant des broussailles et se perdant par intervalles dans des amas de feuilles sèches pour reparaître aussitôt triomphantes. Ils arrivèrent au bord d'un ruisseau qu'il fallait traverser sur une digue de grosses pierres que la mousse humide rendait très glissante. Mademoiselle Fitzgerald passa ce guet comme un oiseau. Lionel fut moins heureux. Le pied lui manqua à moitié route. Il ne put éviter une légère immersion et son désastre eût été complet si Mademoiselle Fitzgerald ne lui eût vivement tendu la main de l'autre rive pendant qu'elle envoyait à l'écho des bois ses frais éclats de rire. Elle le mena ainsi gaiement de bocage en bocage, par monts et par vaux, l'arrêtant devant ses sites préférés, devant les scènes riantes ou sauvages qui parlaient à sa jeune imagination et qu'elle avait presque tous baptisés de noms symboliques. Il y avait la salle de bal, qui était une clairière bizarrement décorée de lianes suspendues comme des girandoles, puis la chapelle de l'ermite, non loin du rond des fées. Dans le genre sombre, elle lui fit admirer la mare criminelle, vieille pièce d'eau fangeuse qui semblait en effet cacher quelque mystère sinistre sous sa surface morne, et enfin le pont du secret, ainsi nommé parce qu'il était violemment soupçonné de complicité avec la mare criminelle. Ces menus épisodes de voyage servaient de texte à des réflexions plaisantes, à des polémiques folles, bref, à des enfantillages peu dignes d'être recueillis par l'histoire, mais auxquels les deux jeunes fiancés prenaient un plaisir extrême, car lorsque l'amour tient le piano, l'air qu'on chante importe peu, et sur cet accompagnement délicieux tout est mélodie. Cependant, Mademoiselle Marie, ayant consulté sa montre, poussa un cri d'effroi en reconnaissant qu'il s'était écoulé près de 2 heures depuis leur départ. « Monsieur, il faut rentrer, » dit-elle. « C'est dommage, » dit Lionel. « Oui. » Malgré le soupir qui accompagnait sa réponse, elle n'en choisit pas moins la route la plus directe pour regagner le château. À mesure qu'il s'en rapprochait, il devenait silencieux. Leur entretien, quand ils le reprirent, n'eut plus le même caractère d'enjouement et de légèreté. Ils se trouvaient alors sur la terrasse de Charmy qui bordait le chemin public. « Mon Dieu, » dit Lionel, « que j'étais inquiet et troublé la première fois que je suis passé sous cette terrasse. Vraiment, pourquoi donc ? Parce que j'avais peur de ne pas vous plaire. Et j'avais grandement raison, car la vérité est que je ne vous ai pas plu. Comment cela ? Mais il me semble... » Elle acheva sa phrase par un regard et par un sourire. « Oui, vous vous êtes résigné depuis, mais avouez qu'au premier abord, je vous ai fort déplu. Qu'est-ce qui vous a fait croire cela ? Votre accueil, c'était de l'horreur. Vous affectiez même de ne pas me regarder. C'est que je vous avais déjà vu ? Comment ? Où donc ? Ici, » dit-elle en montrant le chemin. « Par là, » ajouta-t-elle en montrant la charmille. « Quoi ? Si jeune et déjà si perfide ?» dit Lionel en serrant affectueusement le bras qu'elle appuyait sur le sien. Après une pause. « Croyez-vous, reprit-elle, que ce soit vrai, ce que dit ma tante, que la veille est-ce qu'il y a de meilleur dans le mariage ?»« Je suis bien tenté de le croire en ce moment, » répondit-il avec émotion, « car je ne pense pas qu'il puisse y avoir une heure plus douce que celle-ci. » »« Je ne le pense pas non plus. Mais ne pouvons-nous donc être toujours heureux comme nous le sommes maintenant, mon ami ?» Il s'arrêta, lui prit les deux mains, et les yeux attachés sur les siens. « S'il ne faut pour cela que vous aimez, Marie, » dit-il d'un accent profondément pénétré, « oui, nous serons heureux, car je vous aime bien. » Sa voix s'attendrit tout à fait. « Je t'aime bien, » ajouta-t-il. Il l'attira doucement. Elle baissa les yeux. Son visage, subitement altéré, revêtit une expression étrangement sérieuse. et elle tendit son front pur et pâle au jeune homme qui le pressa longuement sous ses lèvres.